j'écoute, oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est un fleuriste ? Oui. Oui, bonjour madame, de la place, chef des services de la voirie à la mairie. Oui. Dites-moi madame, on a eu des petits problèmes encore samedi avec le stationnement automobile devant votre magasin de fleurs. Quel problème ? Il y a eu des contraventions et des gens qui sont garés en double fil. Oui. Donc on a décidé à la voirie ce matin de vous mettre des bites. De mettre quoi ? On va vous mettre des bites. Vous voyez ce que c'est comme... ce sont des tubes... Oui. Bon. Alors, on va en mettre donc devant chez vous, de part et d'autre, à gauche et à droite, et sur le devant. Alors, combien voulez-vous qu'on vous mette de bites ? J'en sais rien, monsieur, moi. Bah, attendez, c'est... Femme. Comment ? J'ai dit, je suis une femme, j'y connais rien. Oh, madame, attendez, excusez-moi, les femmes connaissent les bites quand même. Attendez, c'est quoi cette histoire-là ? Non, mais je veux dire par là que, bon, si vous en mettez, vous les mettez à combien de distance ? Environ 2 mètres. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut me dire. Eh ben, 2, ça me suffit, moi. 2, ça vous suffit ? Ah, attendez, je réfléchis, je regarde le plan. Je vais vous mettre une bite devant. Oui. Qui rentre et qui sort. Oui, bah, faut pas, vous ne me la mettez pas devant, vous me la mettez juste au côté. Bon, la bite pourra rentrer, donc, dans vous, quoi, hein ? Oui. Et sortir de vous également. Voilà. Ça vous va, ça ? Ah ben là, ça me va. Et vous réglez pour... bah, ça me va parfaitement, parce que ce qu'il y a, c'est que des fois, moi, je peux pas sortir. Non, mais là, vous inquiétez pas, c'est la bite qui rentrera. Oui. Vous voyez ? Oui, non, mais j'ai compris. Alors... Derrière, je vous mets une autre bite. Oui. Je vous mets une bite derrière également. Est-ce que ça va ? Attendez, vous me laissez réfléchir, parce que là, vous m'avez pris drôlement sur le vif, hein. Ah, vous savez, quand on met une bite devant, une bite derrière, il faut agir vite, hein. Bah, justement. C'est pour votre bien, madame. Alors, à partir du coin, si vous me mettez juste une là, est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Je vous en mets une au coin qui vous prendra un peu de biais, voyez ? Oui, une qui prendra sur le biais. Voilà. Je pense pas qu'il faut mettre une autre, je crois pas. Si. Bon, ben vous la mettez. Ben alors, une aux deux extrémités, mais pas deux d'affilée. Qui rentre et qui sort, on est d'accord ? Vous me la mettez juste au coin ? Je vous la mets dans le fond. Ouais. Ça vous va, ça ? Ben, de toute façon, je suis bien obligé de m'y plier, hein. Mais vous inquiétez pas, hein, madame, c'est de la bonne bite, hein, c'est pas... on n'a pas parlé de la taille. Est-ce que vous voulez des grosses ou des moyennes ? Alors ne me demandez pas ça, moi je connais rien du tout. Est-ce que vous préférez une grosse bite devant et une moyenne derrière, ou une grosse bite derrière et une moyenne bite devant ? Et vous en mettez devant tout le monde comme ça ? Devant et derrière, oui. Moi je sais pas quoi vous dire. Alors devant, qu'est-ce que je vous mets ? Une grosse bite ou une bite moyenne ? Ben, devant vous mettez la grosse. Je vous mets quoi ? Devant une grosse. Une grosse bite devant et derrière ? Mettez les deux pareils et puis c'est tout. Oh là là, Écoutez, c'est très curieux dans cette ville parce que toutes les femmes ont commandé deux grosses bites. Ah, les femmes, elles sont ce qu'elles sont, puis moi aussi, hein.